On va parler des Jeux du Québec. On est à 45 jours des Jeux du Québec actuellement et à 1 heure de route, ben, pas mal. Tout le comité organisateur travaille fort à accueillir le Québec ou les athlètes québécois qui seront du 24 au février au 4 mars. Question de savoir comment ça va dans l'organisation. On parle avec le directeur général des Jeux du Québec, M. Gérard Ouellet. Bonjour, M. Ouellet. Bonjour. Monsieur Ouellet, si on parlait un peu des Jeux du Québec jusqu'à maintenant, on est à 45 jours des Jeux, comment va le comité organisateur? Est-ce que ça, j'imagine que plus les jours avancent, plus on s'approche de l'échéancier, plus on commence à être prêt? Oui, ben, je vous dirais que c'est une fourmilière actuellement. On est rendu à 1 500 bénévoles de recrutés. Donc, nos bénévoles permanents qui travaillent avec nous depuis déjà quelques temps à planifier l'arrivée de ces bénévoles-là qui vont venir donner du précieux temps pendant la finale, ben, sont déjà à l'heure et puis on est en train là, de procéder aux dernières étapes de notre campagne de recrutement pour compléter nos 2 500, 3 000 bénévoles nécessaires à la bonne réalisation des activités. Monsieur Ouellet, il y a une semaine environ, vous avez fait une sortie dans les médias mentionnant qu'il y avait 1 500 bénévoles d'avancée. Vous êtes à peu près vous étiez à la moitié. J'imagine que depuis que vous avez fait une sortie, ça a encore augmenté, Oui, ben ça a augmenté. C'est sûr qu'on a eu la période des fêtes. Donc, là. pendant la période des fêtes, les gens ont un petit peu les idées ailleurs. Et là, je vous dirais qu'on a beaucoup de gens qui se présentent à la maison des Jeux Rio Tinto, ici à Alma, pour prendre de l'information, venir s'inscrire, s'enregistrer comme bénévole, venir voir à quel endroit ils pourraient être utiles. Et puis, donc, on a des gens qui sont toujours présents ici pour les accueillir. Donc, c'est ce qu'on fait actuellement. On accueille ces gens-là. Et puis, on s'apprête à entrer justement dans la dernière phase de recrutement. Donc, ça a quand même bien été pareil, là. Il y a pas, ça a quand même bien été, il n'y a pas eu trop de difficultés, là. Non, ça a bien été, mais le travail a déjà été amorcé en 2014. Lorsqu'on a fait Ouais. le comité de pré-candidature, on avait sollicité les gens de la place, de la MRC, à savoir est-ce que les gens étaient intéressés à si on avait l'obtention des Jeux à venir donner quelques heures pour la réalisation de ceux-ci. Les gens étaient favorables. Donc, c'est ce qui nous a aussi permis l'obtention des Jeux. C'était un des 3 critères qui nous avait vraiment démarqué de l'autre municipalité qui était aussi en liste. Donc, on avait déjà un bon appui et depuis qu'on publicise tout ça, les gens reviennent. Ça fait un an, un an et demi qu'ils n'ont pas eu beaucoup de nouvelles de nous, mais là, on a besoin d'eux et puis les gens répondent à l'appel. OK. Au niveau des communications, j'imagine que vous avez réussi à trouver quelqu'un parce que je voyais que c'est il y a quelqu'un qui a placé qui m'a demandé d'entrevue. Donc, je mets de ce côté-là. Vous aviez trouvé quelqu'un, c'est passé, vous étiez à la recherche aussi, là. Oui, bien, on a, en fait, notre équipe est bien constituée actuellement. On a 48 personnes OK. déjà en poste. Il y a effectivement 2 postes qui vont arriver bientôt, dont un poste de communication, d'agent de communication. Mais on a une directrice générale adjointe en communication qui est présente. On a 2 coordonnateurs aux communications également qui sont toujours présents avec nous et une équipe d'agents qui est en place déjà depuis quelques mois. Donc, l'équipe, je vous dirais, c'est 48 personnes qui travaillent pour nous actuellement. C'est très dynamique, ça bouge beaucoup. Et ça prend cette équipe-là pour bien soutenir les bénévoles qui vont nous accompagner. OK. Si on parlait maintenant aussi des installations, avant les fêtes, vous avez également parlé qu'il y avait eu une entente avec le centre Mario Tremblay, également le pavillon Wilbois-Dufour. Ils vont utiliser en gros les installations pour les Jeux du Québec. En fait, le protocole d'entente qui a été signé avant la période de vacances, c'est un protocole d'entente avec la commission scolaire avec Saint-Jean et un protocole d'entente avec le collège d'Allemagne. Donc, vous savez, les Jeux peuvent se réaliser sans participation de ces partenaires qui sont très, très importants. La commission scolaire de la Saint-Jean nous ouvre ses portes, leur personnel nous accueille avec beaucoup de plaisir pour justement préparer tout ça. Les écoles de la commission scolaire vont servir comme site d'hébergement pour les athlètes, les accompagnateurs, les entraîneurs. Ils vont également servir de lieu de compétition parce que dans plusieurs plateaux scolaires, il y a des compétitions sportives qui vont se tenir. Il y a également le village de David au Palais Louis-Brosseau. Il y a les différentes cafétérias des écoles secondaires qui vont être mises à disposition des athlètes et des entraîneurs pour justement les repas du matin, midi et du soir. Donc, la commission scolaire est une pierre angulaire, si on veut, de notre projet, ainsi que le Cégep qui va accueillir la centrale des Jeux Hydro-Québec. Donc, c'est la centrale administrative. C'est le lieu où on va trouver toutes les équipes permanentes des différentes régions du Québec, où on va retrouver les équipes de Sport Québec. Le comité organisateur des Jeux du Québec va être présent sur place également. Donc, il y a beaucoup d'animations qui vont se dérouler, des animations, des activités de gestion qui vont se tenir au Collège d'Allemagne. Donc, on avait besoin de leur plateau et il fallait en arriver à une entente, c'est ce qu'on a fait avant Noël. OK. Si on parlait maintenant de qu'est-ce qu'il reste à faire, il reste 48 jours, qu'est-ce qu'il reste le plus à faire pour avant d'accueillir tous ces athlètes-là? Bien, tout ce qui a été réfléchi depuis une année et demie, OK. le plan d'action, les différentes stratégies d'intervention, comment on va accueillir les gens, on est en train de mettre ça en place. Donc, c'est passer vraiment de la théorie à la pratique. Donc, c'est de former nos bénévoles pour que ces bénévoles sachent le travail auquel on s'attend d'eux. C'est mettre en place toutes les structures, donc apporter les modifications qu'on va avoir sur certains plateaux sportifs. C'est de rendre, en fait, lorsque les fédérations sont venues visiter ici nos installations sportives, ils ont été très, très, très contents de voir toute la propreté des lieux, toutes les rénovations qui ont été apportées depuis les dernières années. Donc, là, il reste quand même quelques petites choses à faire. Et puis, c'est ce qu'on va faire d'ici les prochaines semaines. OK. Du côté de l'hébergement, est-ce qu'il va y avoir des familles qui vont héberger? Est-ce que vous avez réussi à trouver de ce côté-là aussi? Non, ben, les athlètes sont pris en charge et toute la famille des Jeux est prise en charge à Ah, OK. 100% par le comité organisateur. Il se fait en hôtellerie, en gîte. Il y a des gens qui nous appellent au quotidien pour offrir des logements qui ne sont pas loués dans leur maison, des chambres, etc. Donc, c'est un autre volet qui ne fait pas partie, en fait, du soutien du comité organisateur. Mais les gens peuvent se référer à Tourisme Alma, aller sur le site Internet de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean pour justement repérer ces gîtes-là qui offrent des opportunités d'hébergement. OK. Donc, c'est vraiment, ça a vraiment mobilisé la population d'Alma et ses environs, là, les représentations des Jeux. Est-ce que vous êtes quand même surpris, vous êtes heureux ou c'est ça que vous attendiez? Bien, on s'attendait à ça. Vous savez, en 99, Alma a aussi présenté des Jeux d'été qui ont été Ouais. un franc succès avec une équipe de bénévoles qui était très dynamique. Je vous dirais que les derniers Jeux de Saguenay aussi en 2013, l'hiver 2013, qui sont pas si loin, beaucoup de personnes, de gens de la MRC Lac-Saint-Jean-Est ont participé comme bénévoles aux Jeux de Saguenay. Donc, les gens savent à quoi s'en tenir et ils répondent toujours très favorablement à l'appel qu'on leur fait lorsqu'on a besoin de bénévoles. OK. Ben, Sylvain.